Défense. Hey, salut, c'est I Hate Music, émission mensuelle en podcast 100% DIY et 100% fait maison. Voilà, on revient un petit peu plus tôt pour ce samedi soir et pour proposer une petite boum. Il faut bien s'amuser un peu avec ce couvre-feu et voilà. Petite boum avec une sélection hyper cool de titres post-punk et discothèque de l'époque des années 80 des groupes des pays soviétiques. Voilà, on va passer une petite sélection avec des groupes de Pologne, de Tchéquie, de Biélorussie, de Serbie, de Slovénie et de Russie. Voilà, à noter que y a des titres qui sont plus modernes, des trucs par exemple disco-punk ou post-punk qui sont tout à fait actuels, qui sont mélangés avec des titres assez kitsch des années 80, pour votre plus grand plaisir. Voilà, on reviendra début mai avec un petit podcast comme d'habitude et avec une invitée, puisqu'il y aura Victoria de Maribel qui va venir présenter l'émission avec moi et qui présentera sa petite sélection de morceaux ainsi que les miens. Voilà, une petite émission sympa qui promet. Ce sera tout début mai. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant avec des titres, des pays de l'Est, de la disco, du post-punk. C'est parti. Davai, davai. píšu. Někdy mám pocit, že mě nevidíš, že o mě málo víš. Na první pohled já myslela, že budeš správný kluk. Z tebe se zatím, jak ukázal čas, vyklubal samouk. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Yeah. ona pieści jej hot. Traży ci wczerajszy żart. Dziś ci ulawi strach. Mogu je wieczeraz mać. Ale krum na dicza tako liepu zwróci ma tako liepu moje. Barska muzyka i pani już. Jestem znowu do wieczeraz. A detektywi traże i traże nowinę piszą o nią. Životno tijelo leži u njoj. Trenutak kasnije osmijeh na njenom licu, dok rukama u frižideru dodaju još dvije ruke. A detektivi traže i traže, novine pišu o njoj. A detektivi traže i traže, pasite ljudi, ona je tu. A detektivi traže i traže, novine pišu o njoj. On est tout. On est tout. Yeah.

Оставьте ноги вместе. Выполняем поочередные движения плечами вверх, приседая и выпрямляясь. И вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Приседание с поворотами туловища. И влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Добавляем повороты вокруг себя. Влево. Вправо. Влево. Вправо. Руки на пояс. Продолжая ходьбу, поднимайте и опускайте плечи. И вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. С продвижением вперед. Назад. Вперед. Thank you. вместе с круговым движением туловища влево. И раз. Два. Три. Четыре. Вправо. Раз. Приседание с наклоном головы. И... We'll be right back. и больше нет ничего. Все находится в нас. Роняя за.